Le maréchal Kim Jong-un a fait fêter le centenaire de Madame Chun Guibo, habitante de la 45e subdivision de la commune de Namsan de l'arrondissement de Lianlim de la province du Chakan.